Dans les épisodes précédents. Bon, mon petit Seb. Oui. On a parlé de pas mal de shonen. Ouais. Est-ce que ça te dirait qu'on aille un petit peu à contre-courant et qu'on parle d'un shoujo? C'est quoi ça encore? Un shoujo, donc un manga destiné à un public, un jeune public féminin. Et dans ce shoujo, on va parler d'une malédiction et... Pas de basket à proprement parler, mais plutôt des 12 animaux du zodiaque chinois. Ok, bah écoute, pourquoi pas, je connais pas, donc on y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mangateux. C'est Anthony, et comme toujours, je suis accompagné de Sébastien. Salut Seb, ça va? Bah ça va très bien, et toi? Et moi, je suis malade, voilà, c'est super. Encore? Désolé pour l'enregistrement. Non, ça va, la dernière fois c'était moi. C'est pas grave, t'inquiète, ça va le faire, j'ai confiance, on va te tenir, et ça va marcher. Dis-toi que les vacances c'est pour bientôt. Si seulement. Donc aujourd'hui, on va quitter les mangas de bagarre. Les démons, tout ça, pour quelque chose de plus romantique, mais avec une petite touche de malheur. Je vais vous parler de fruits de basket. Y a pas de bagarre? Bah, je me casse alors. Non, non, reviens ici, toi. Reviens ici. Ah! Alors, fruits de basket, c'est pas un manga sur le basket. C'est vrai, voilà, j'aurais. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. C'est un shoujo, et donc un manga destiné, entre guillemets, à un jeune public féminin, écrit et dessiné par Natsuki Takaya. Ok. Natsuki Takaya, de son vrai nom Naka Atake, rien à voir, est une autrice née en 1976, et en fait, on sait pas grand chose d'elle. Elle parle pas beaucoup d'elle-même. J'ai cherché des interviews, j'ai pas trouvé grand chose. De ce que l'on sait, c'est que comme beaucoup de ses pairs, elle a grandi avec l'influence des mangas et elle a commencé à dessiner très jeune en regardant sa sœur faire de même. Le manga il sort quand? Le manga il date de 98. Ok. Oui, donc ça reste une autrice dans la vingtaine, quoi. Ouais. Elle grandit en sachant que c'est déjà ce qu'elle veut faire en vérité. Hein. Elle veut faire des mangas, elle veut dessiner. Elle fait sa première œuvre en 92, et qui finit par être publiée. Mais comme vous pouvez en douter, des mangas dans les années 90, il y en a une pléthore, hein, on l'a assez dit et répété, n'est-ce pas Seb? Oui, je confirme. Mais du coup, elle arrive à se démarquer peu à peu grâce à ses histoires assez profondes, matures, et où les relations entre les personnages sont empreintes de beaucoup d'émotions. Et puis, ce sont souvent des shoujo, hein, et on quitte toute la sphère de ce qu'on a pu parler avant, pour venir parler d'un tout autre genre. J'ai pas lu toutes les œuvres, bien sûr, hein, mais de ce qu'il en ressort, c'est beaucoup de réflexions sur la nature humaine, les bons côtés comme les mauvais, et évidemment, elle s'inspire aussi un petit peu de son quotidien et d'autres œuvres qu'elle admire. Et un jour qu'elle observe la couverture d'un dictionnaire, elle remarque que celui-ci possède une illustration du zodiaque chinois. Et après ça, mais en 1998 est publié Fruits de basket. Quel est le rapport avec les... Donc, quel est le rapport avec les fruits et le basket? Alors fruits de basket, ça veut dire panier de fruits. Et en fait, de ce que je me souviens dans les interviews, le panier de fruits, c'est un jeu au Japon chez les enfants où chaque enfant est un fruit. D'accord. Sauf que dans notre histoire, le personnage principal, une jeune fille qui s'appelle Toru, elle était entre guillemets un petit peu pas mis de côté, mais elle était pas un fruit, du coup, elle était une boulette de riz. Ah, super, j'allais dire que c'était un navet, mais j'étais pas loin. Non, c'est pas un navet. Mais du coup, Seb, est-ce que tu connais un petit peu Fruit Basket? Est-ce que t'en as entendu parler ou pas du tout? Alors, j'en ai entendu parler, et bon, pour le off, hein, je t'ai dit tout à l'heure que, effectivement, ça devait sûrement parler de basket, donc tu vois que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appétence pour ce manga, et que je le connais par cœur. Ah, ça me fait plaisir. Tu vas me dire à la fin de cette émission, tel un néophyte, si ça t'a donné un petit peu envie ou pas du tout. Hein, vu que, comme tu l'as dit au tout début, c'était pas du tout ton genre, mais quand même, dans notre cœur de gros costaud de bonhomme, hein, il y a un petit truc qui bat et on a des sentiments. C'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'on parle de notre intelligence émotionnelle. Il faut qu'on montre aux autres on a un cœur là-dessous. Eh ben, je te laisse ta chance et je te dirai ça à la fin, il n'y a pas de souci. Donc, le zodiaque chinois. Alors, justement, petite histoire du zodiaque chinois. Il était une fois un dieu qui se lamentait de sa solitude dans sa demeure, en haut de la colline. Un jour, il eut l'idée d'inviter les animaux qui vivaient aux alentours de chez lui pour qu'ils puissent partager un repas tous ensemble et faire la fête toute la nuit. Ainsi, des invitations furent envoyées et les animaux répondirent présents. Sébastien, est-ce que, moi, ça, tu connais un petit peu les animaux qui sont présents dans le zodiaque chinois ? Oh bah, normalement, oui, ça devrait aller, hein. On a, alors que je te dise pas de bêtises, le lapin, le rat... Il y en a 12. Le lapin, le rat, le porc, le dragon, la tortue... Non, la tortue, je suis pas sûr. Non, pas la tortue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas le... Est-ce que tu te souviens du dessin animé de Jackie Chan ? Eh, c'est loin, c'est très très loin. Il y a pas le lion ou le tigre ? Il y a le tigre, je crois. Il y a le tigre. Il faut que je les fasse tous comme ça parce que l'épisode va être très long. Non, non. Si t'as plus d'idées, on s'arrête là. J'ai donné mon max là. Alors, viennent dans l'ordre le rat qui arrive en premier dans la demeure, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le cheval, le mouton ou la chèvre, ça dépend. Le singe, le coq, le chien et le cochon. Tous arrivèrent le jour de la fête et passèrent une soirée mémorable. La divinité fut tellement heureuse qu'elle décida de faire de ses amis et de les garder auprès d'elle. Tous ces animaux, sauf le chat, qui passa sa soirée seul à cause du rat, car celui-ci lui avait menti sur la bonne date. Alors, là, ce que je t'ai expliqué, ce que je t'ai raconté, c'était une petite thèse hein, sur le zodiaque chinois, bien sûr. Il existe beaucoup de versions, mais celle-là, c'est celle du manga. Okay. Et c'est ainsi que commence notre histoire. Nous faisons la connaissance de Toru, une jeune lycéenne de 16 ans, toujours souriante, motivée, un peu beaucoup ingénue, hein, qui se retrouve à vivre toute seule dans une tente par accident, car n'ayant plus de logement après la mort de sa mère. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Ça, c'est une histoire comme on entend bien souvent dans nos régions. Voilà, on va faire pleurer dans les chaumières, n'est-ce pas Jean-Pierre Pernaud? Sauf que, sans le savoir, Toru, elle s'est installée sur un terrain qui appartient à la famille nommée les Soma. C'est en explorant les environs qu'elle tombe sur leur maison et leurs habitants, Yuki Soma, lycéen, et son cousin Shigure Soma, un écrivain. Shigure lui apprend qu'elle est sur une propriété privée et qu'elle ne peut pas rester ici, surtout pour vivre sous une tente, en fait. Hein. Ça marche en été, au bout d'un moment... Commence à faire froid. L'hiver, ça va être compliqué. Yuki, étant dans le même lycée que Toru, lui propose de loger chez eux en attendant que la situation s'améliore. En échange, bien sûr, d'effectuer quelques petites tâches ménagères, hein, car les hommes, hein, voilà, ouais, classique. Y a le bazar, ils savent pas cuisiner, c'est sale, super. Classique. Donc, ce que Toru accepte complètement avec un grand sourire, parce que, bah, de toute façon, elle aime bien cuisiner. Le soir, elle travaille comme femme de ménage, donc ça la change pas, donc voilà. Mais alors qu'elle est en train de les remercier, un jeune garçon nommé Kyo, aussi un Soma, apparaît et essaye de se frapper la gueule avec Yuki. D'accord. Toru, essayant de s'interposer, finit par tomber sur Kyo, et à son contact, le jeune garçon se transforme alors en chat. C'est visuel, hein, mais là je me dis, mais pourquoi ? Jusqu'ici il n'y avait pas de pouvoir, ça sonnait normal, et un chat. Toru, complètement affolé, court vers Yuki et Shigure avec un chat dans les mains, et criant « c'est de ma faute, il s'est transformé en chat, je sais pas ce qui se passe ». Elle glisse sur un vêtement, sur une saleté, et elle tombe à nouveau sur les garçons, qui se transforment alors, à leur tour, en rat pour Yuki et en chien pour Shigure. Je vois où tu veux en venir. Tu vois, là-dessus, elle voit un rat et un chat en train de s'engueuler et un chien en train de se plaindre que leur secret n'aura pas tenu longtemps. Toru apprend alors que la famille Soma est touchée par la malédiction des 12. Au contact du sexe opposé, 12 membres de cette famille se transforment en animal du zodiaque, plus le chat. Okay. Ça peut être par un gros contact physique, comme un enlacement ou quelqu'un qui tombe dessus, c'est un gros contact. Et aussi quand ils se sentent faibles ou malades. Ok. Sous leur forme animale, ils peuvent continuer de taper la causette. Puis, quelques instants après, ils redeviennent humains un peu plus tard. mais complètement nus, hein, car les vêtements tombent quand ils s'en sortent. Vachement en fait. Pratique. T'es sûr que c'est pour... Vachement pratique. Enfin, c'est un public jeune. Mais oui, oui, il y a des petits nuages. Il y a des petits nuages qui cachent. Ça va, alors. Parce qu'ils réapparaissent dans des poufs. Dans des poufs, à l'intérieur du pouf, carrément. Super. Pouf de magie. Non, oui, le pouf, la fumée. Oh, Sébastien. Ce qui peut donner quelques situations gênantes pour Toru, hein, qui est souvent dans le coin. De plus, les membres maudits ont leur caractère un peu influencé par leurs animaux respectifs. Le bœuf est un peu tête en l'air, le cochon est quelqu'un de très direct, qui est assez physique, ou certains ont plus de talent que d'autres, comme le rat, qui est très intelligent et très doué dans ce qu'il fait, car il est arrivé en premier à la fête. Et ils ont tous la particularité d'être très beaux. Évidemment, on serait pas dans un manga pour filles, voilà. Oh là là, ça tire. Au fil de l'histoire, nous et Toru, on va faire connaissance des autres membres maudits, mais qui, au sein même de la famille, ont des secrets cachés, et un certain, pour chacun même, un passé tragique, dont Toru elle-même. Car derrière un grand sourire, que quelqu'un peut te montrer, la réalité peut en être autrement. Donc le manga est publié de 1998 à 2006 pour un total de 23 volumes. C'est honnête, c'est raisonnable comme format. C'est honnête, ouais. Pour un shoujo, une vingtaine de volumes, en vrai, ça... C'est surtout à l'époque. Bon, j'en ai pas lu beaucoup. Surtout à l'époque. Il aura droit à une première adaptation télévisée pour les 6 premiers tomes, et ensuite aura à nouveau droit à un reboot, mais là, cette fois, de la série entière, de 2019 à 2021. Ok. Donc, quand même... Ouais, il y a une bonne longévité, et il y a quand même une fanbase pour les suivre, parce que... quand tu dis que tu réadaptes et que tu retentes une mise sur support, c'est pas mal. Enfin, c'est une consécration un peu quand même. Il pèse dans le style, non? Ah oui. Le manga a beaucoup fait parler de lui, j'en parle un peu plus tard, mais ça s'est très bien vendu en France, et très bien à l'étranger aussi. Et c'est le manga phare de l'écrivaine, qui en a fait d'autres, mais c'est celui-ci qui a le plus marché, qui apporte pas mal de thématiques au sein de la famille. Donc très vite, le manga devient célèbre, et bon, ben, je viens de le dire, à l'international, et il touche tout le monde. Il se compose d'un récit très fort, en fait, et des personnages extrêmement touchants. Alors, au tout début, tu vas dire, « Oh oui, ils sont tous très beaux, la vie, elle est belle, la vie, elle est jolie. » Non, tu apprends au début du manga qu'en fait, Toru, elle vient de perdre sa mère. En fait, tu te rends compte qu'elle est un peu valdaguée des deux côtés de sa famille, parce que sa mère, c'est une ancienne voyou, son père, il est déjà décédé, et ben, personne ne veut s'occuper d'elle. Chez qui elle était, bah, il sait en travaux. Donc en fait, c'est un peu la fille forte, mais qui donne une apparence de naïve et de gentille, quoi. Ok. Mais complètement, et en fait, bon, on apprend plus tard ça dans le manga, mais oui, si elle sourit tout le temps, c'est pour, entre guillemets, oui, cacher toutes ses émotions. Ok. Et l'autrice, Natsuki Takaya, elle remportera plusieurs prix, et se fera remarquer pour son œuvre dans un milieu encore aujourd'hui très masculin, ça on va pas se mentir. Un petit peu moins ces 5 dernières années, avec Demon Slayer ou même... Non, j'ai juste Demon Slayer ces dernières années. Après, tu t'embarques dans un truc où j'ai pas suffisamment de rêves sur les nouveaux. Oui, non, je m'arrête là. Et au cours de son écriture, elle se blessera au bras, et ce qui la touchera professionnellement, mais aussi très personnellement. Mais ça lui permettra aussi d'améliorer son histoire et de revoir sa façon de penser sur son rythme de travail. Donc, oui. J'ai l'impression qu'ils sont quand même assez nombreux hein, au niveau des mangaka à se blesser dans le cadre de leur travail, ou d'être en dépression, ou d'être en burn-out. Ah bah ça, je pense que ça méritera une petite minute culture, peut-être, un jour. Oui. Sur le nombre d'écrivains qui se blessent ou qui finissent complètement démoralisés par leur travail. Voilà pour cette première partie, mon cher Sébastien. D'accord. Et pour la suite, je te laisse notre minute culture. Si ça te plaît. Avec plaisir, écoute, je prends la suite. Bon, on a parlé de nourriture, on a parlé d'alcool, on a parlé de transport, il me semble, puis bon, bah, du Japon dans son ensemble. La dernière fois, on a même fait un petit peu de sport. Aujourd'hui, on va faire plus simple, plus sobre. Je vais vous parler d'un petit quartier que j'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent qui s'appelle Shibuya. Déjà, Anthony, est-ce que tu sais à peu près me dire ce qui se trouve à Shibuya et pourquoi c'est aussi connu ? Il y a la statue du chien Hachi, à côté de la gare. Oui, c'est vrai. Ah, tu l'as pas vu venir, c'est vrai. Non, et je vais te dire, je l'ai même pas vu tout court parce qu'en plus, elle était cachée en rénovation. Il y a trop de monde. Ah ouais, elle je crois, ou en tout cas, on pouvait pas y avoir accès, il y avait un temps limité, il y a eu un truc. Et après, Shibuya, bah c'est... Je sais pas si c'est encore un quartier des affaires. Non, c'est un quartier juste... C'est un quartier qui est à côté de la gare, oui. Et du métro. En fait, on est et plus... C'est vrai qu'il y a une base des affaires, mais aujourd'hui, on est plus sur un côté culturel. Je vais reprendre le lead, si tu veux bien. Vas-y. En fait, ne laisse pas m'enfoncer. En fait, à l'origine, Shibuya, c'est un village à part entière. C'est un village rural et il s'est développé autour de sa propre gare, qui a été ouverte en 1885. Et c'est ça qui a permis l'urbanisation qu'il y a autour de la gare. Mais là où elle s'est vraiment, expansée, ça a été à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où justement il a fallu que Tokyo se reconstruise rapidement. Et en fait, bah, Shibuya s'est retrouvé au milieu de tout ça, et c'est devenu un vrai centre commercial et culturel. Surtout dans les années 70 et 80, avec l'histoire d'une mode plus jeune. Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, l'essor du manga, tout ça, nous, ça nous a touché un peu plus tard, mais au Japon, on est plus sur ces 70-80. Et en fait, ce qui a été fait, c'est que après la reconstruction de Tokyo, ils sont vraiment servis de ce quartier-là pour être un espèce de hub de transport et de commerce, avec des infrastructures qui sont toujours modernisées, et qui sont d'ailleurs très modernes, et avec une forte densité de services. T'as notamment du coup le carrefour de Shibuya, qui est l'un des passages piétons les plus fréquentés au monde. Y a quand même des centaines de personnes qui traversent dans toutes les directions, et je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir quand tu y es allé, mais c'est vraiment particulier. C'était un peu en travaux quand j'y suis allé. Alors moi, quand... T'avais pas mal de grandes bâches sur des édifices. Et... D'accord. Moi, en fait, quand j'y étais, on avait pris un café sur dans une tour pour être un petit peu en hauteur et voir comment c'était foutu. Et effectivement, ce sont vraiment des croisements de partout. Mais comme en plus on était le jour d'Halloween, t'avais plein de policiers autour qui faisaient circulation. Ah, vous étiez le jour d'Halloween. C'est cool. Alors, faut savoir que. C'est une question que je me suis posée dans Jujutsu Kaisen. On voit que les gens ils sont déguisés le jour d'Halloween dans plein quartier de Shibuya, et je me demandais si c'était vrai aussi dans la vie réelle, entre guillemets, à Tokyo, ou toi quand tu y as été, est-ce que les gens étaient déguisés, se baladaient comme ça ou... Alors, il y a eu des événements un peu compliqués, qui n'ont rien à voir avec ceux de Jujutsu Kaisen, mais il y a eu un gros mouvement de foule une année, et depuis les rassemblements sont interdits en fait à Shibuya le jour d'Halloween. Ouais. Ah ouais ? Donc t'as quand même des gens qui sont effectivement déguisés, en cosplay, en tout ce que tu veux, mais effectivement, aujourd'hui, les rassemblements sont interdits le soir d'Halloween à cause de, justement, ces débordements, et de bon, je crois qu'il y a eu des morts aussi. Rien à voir avec Jujutsu Kaisen. Non, pas à ce point-là. La nuit des 100 démons, il y a des morts, et ben, déjà... pas à ce point-là. Mais du coup, sur une note un peu plus gaie, en fait, Shibuya, c'est devenu vraiment l'épicentre de la culture jeune japonaise. Et t'as des boutiques de mode un peu avant-gardistes, notamment des centres commerciaux. C'est dommage qu'Anis soit pas là, sinon il nous parlerait du Shibuya 109, qui est une curiosité, vraiment. Si vous avez l'occasion, allez-y, c'est très très très spécial. Je vous vends un peu la mèche, c'est un peu de mémoire, je crois qu'il y a 9 ou 10 étages qui sont uniquement consacrés et dédiés aux divers styles vestimentaires féminins, mais ça va vraiment jusqu'à des trucs très Lolita, cosplay, machin. Et il n'y a pas beaucoup de mecs. Et les mecs qui... Eh ben, Anis nous en parle. Voilà, les mecs qui y sont tout seuls, ils sont très bizarres. Bref, voilà. Japon, oui. En plus de ça, on a quand même dans ce quartier-là une vie nocturne qui est très très dense, avec beaucoup de bars, beaucoup de clubs, de karaoké, de cafés à thème, et clairement, c'est connu, Shibuya ne dort jamais. C'est un lieu de rencontre pour tous les jeunes tokyoïtes, et aussi pour les touristes. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus de ça, on est vraiment sur un quartier de l'innovation, avec des écrans géants, des publicités interactives, une architecture moderne. Oui, ça j'en suis résolu. Clairement, c'est le futur, c'est vraiment la ville néon. Enfin, là, si tu veux trouver un endroit qui te donne l'impression du Japon tel que tu le vois dans les mangas, même futuristes, c'est le quartier dans lequel il faut aller. Donc voilà, j'ai un peu speedrun la minute, mais dans l'ensemble. Bah c'est une minute. Dans l'ensemble, je dirais que c'est la majorité des choses qu'il faut retenir. Shibuya est très fréquenté parce que, bah déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur la gare la plus importante de Tokyo, avec toutes les lignes majeures, le JR, le Tokyo Metro, le Tokyu. On a des activités touristiques de partout, avec toutes les... Bah voilà, le carrefour, la statue d'Hachiko, les magasins à perte, enfin pas à perte de vue, mais tous les 10 mètres avec à chaque fois quelque chose de différent qui donne envie de rentrer dans les boutiques. En plus de ça, on a vraiment un quartier du luxe à côté, donc vraiment c'est très très impressionnant. Je recommande fortement de le tenter, sauf si vous êtes agoraphobe, parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde et tu sens qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de lumière et... Et voilà. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, passez par le quartier. De toute façon, je pense que c'est obligatoire quand tu vas à Tokyo. Bah, c'est obligatoire pour les connaisseurs. Après, si je pense que tu peux y aller. Bah, c'est ce qu'on a fait avec mes sœurs. On y est allé. On savait qu'il y avait la statue du chien. Ouais. Chez Hachi. Et on y est allé parce que moi, c'est un quartier que j'entends souvent dans les mangas ou même dans la culture. Ou même, moi, au collège, quand j'avais mon bouquin d'histoire géo, je voyais le quartier de Shibuya avec... Il y a plusieurs millions de personnes qui passent par là. Ça, j'en suis pas sûr, justement. Mais comme la capitale en elle-même, il y a plusieurs millions de personnes. C'était pas impossible. Et pour l'ambiance, ouais, c'est vraiment ambiance... Il y a beaucoup de monde qui passe, t'as les écrans sur les immeubles qui entourent le quartier, et c'est assez impressionnant. Mais après, en vrai, si t'as pas grand chose à y faire, si tu sais pas quoi y faire, alors, faut chercher. Faut avoir son petit plan d'avance. Voilà. Mais merci à toi, Sébastien, pour cette petite vidéo. Je t'en prie. Qui en vérité est très, très intéressant. Et si jamais, un jour, on aura peut-être l'occasion de discuter du manga qui s'appelle Shibuya L. Allez, hop, c'est noté. C'est toi qui fais la prochaine. Pas de problème. Eh ben, on est reparti. Donc avant de partir un peu plus en profondeur, je vais juste toucher deux mots sur le, entre guillemets, la technique. Bon, là-dessus, je vais pas te mentir, hein, les premiers chapitres peuvent paraître vraiment dire clichés. D'accord. Les traits sont très simples, il y a peu de détails, les yeux des personnages sont lumineux. Il y a plein de petites étoiles, parce que tout est beau, tout est joli. Et Yuki, il est vraiment très beau, et c'est même la coqueluche du lycée, il a même son propre fan club, tu vois. Mais il est interdit de l'approcher, parce que, le fan club, ils ne savent pas qu'il se transforme en rat, mais il est interdit de l'approcher. Et toutes les autres filles, si elles veulent l'approcher, faut qu'elles doivent faire partie du fan club, etc. Oh là là. Et, c'est parfaitement mon style de manga. Là. Tu vois, t'avais gagné des points dans la première partie, là, t'es en train de tous les perdre. Là. Ah non, mais en vrai, là-dessus, c'est tourné comique. C'est tourné comique, tu vois. C'est vraiment, genre, les filles du fan club, elles sont hystériques. C'est des grosses folles. Et genre, quand elles voient Toru arriver, débarquer avec lui de chez eux, parce que du coup, ils habitent au même endroit, elles sont en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Elles sont cachées derrière des murs, tu vois des ombres noires, c'est vraiment tourné très comique, et c'est très drôle. On est sur un cliché satirique, quoi, c'est pas... Je vois. Okay. Oui. Et derrière, t'as Kyo, qui est le bad boy, qui veut se foutre avec Yuki, parce que Yuki, c'est le rat, lui, c'est le chat, et du coup, c'est de sa faute si le chat a pas été invité, et si, du coup... Kyo, il est tourné en dérision dans sa propre famille, et tout le monde se moque de lui parce que c'est le chat. Et du coup, il en a marre, il s'est mis au karaté, il veut le battre, mais Yuki, qui a commencé le karaté bien après, il est déjà meilleur que lui parce que c'est le rat, etc. Et c'est vraiment « Oh, tout est de ta faute, oui, mais moi, je ne t'ai rien fait. Oh, les garçons, ne vous arrêtez de vous battre. » Et vraiment, les débuts du manga, c'est comme ça. C'est vraiment, on va dire, à l'eau de rose, je dirais. Et j'avoue que s'il n'y avait pas eu, pour moi, le désir d'en savoir plus sur la malédiction, j'aurais peut-être pas continué l'histoire. Okay. Mais comme je t'ai dit, l'humour et la bonne humeur, elles sont bien présents au début du récit, et ça contribue grandement à vouloir lire la suite. Et peu à peu, le dessin s'améliore, comme pas mal de choses. Et sans paraître sexiste, ça devient un peu plus sérieux pour l'histoire. Même si sur la fin, pour le dessin, les personnages, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, hein, que ce soit entre filles ou entre garçons, ils ont tous la même coupe de cheveux ou tous les mêmes expressions. Sur la fin, j'ai eu du mal. Mais je vais pas pinailler, parce que vraiment, la grande force du manga, outre le mystère de la malédiction, ce sont les liens que les personnages vont tisser entre eux et qu'ils vont nouer entre eux grâce à Toru. Donc on est vraiment plus sur l'histoire et pas du tout sur le dessin. Pour une fois, c'est pas visuel. Non. C'est un peu le contre-pied de ce qu'on fait maintenant. Ouh, il critique les mangas maintenant. Oh, bah oui, désolé. Il y a des mangas, je comprends que ce soit très joli visuellement, mais je vois pas du tout l'intérêt de l'histoire. Je pense que ça a toujours existé, mais de nos jours, avec la communication, etc., on entend plus parler. Bah, je pense que je vais pas me faire de potes, hein, mais Demon Slayer, c'est joli. Mais l'histoire, elle est pas non plus exceptionnelle, hein. Mais après, ça dépend comment ça. Ah oui, et puis le visuel déboîte tout, donc forcément, ça joue en leur faveur. Bon, bref, là, on n'est pas là pour parler de ça. Là, on est effectivement sur l'inverse du coup, le complet inverse. Et par rapport au style, bah heureusement, en vrai, il y a l'animé. Hein. Pour la première version, j'ai vu que le premier épisode, mais j'avais déjà bien aimé. Mm-hmm. Et avec le reboot qu'il y a eu en 2019, franchement, si vous n'avez plus le temps de lire de 23 tomes, je vous conseille de regarder l'animé, qui en vérité est... C'est qualitatif. C'est qualitatif. La série est très belle, l'animation aussi. Les moments comiques sont très bien retranscrits, tout comme les moments dramatiques. Okay. Et si comme moi, le dessin de l'œuvre papier ne vous semble pas très attirant, foncez. Donc pourquoi je voulais vous parler de foot basket? Bah déjà parce que c'est l'un des rares shoujo que j'ai pu lire et qui m'a vraiment marqué. Et parce qu'on n'avait pas encore parlé de shoujo, tout simplement. Outre la touche de bonne humeur et d'humour que possède l'œuvre, le récit se fait parfois aussi très sombre par le passé très dur de certains personnages. Oui, il y a de la romance, mais elle n'est pas omniprésente. En tout cas, pas au début. Et peu à peu, on se rendra compte que les liens que vont tisser les personnages entre eux, qui a de la romance, qui est amoureux de qui en vérité n'a jamais rien ressenti pour un tel, etc. Mais c'est fait avec beaucoup de subtilité. Vraiment, la trame principale, c'est la malédiction, et vu que Toru, peu à peu, va rencontrer les personnages qui sont maudits par ces animaux, elle va aussi connaître leur histoire, qui va grandement la toucher, et c'est pour ça qu'avec elle, on va vouloir tout simplement essayer de lever la malédiction des 12 animaux du zodiaque. Tous plus le chat. Ok. Toru, qu'on va suivre tout au long de l'histoire, est au premier abord un personnage très lambda. Elle n'est pas belle, elle n'est pas définie comme belle, elle n'est pas très intelligente, elle est même plutôt simplée, mais elle est altruiste, elle reste toujours optimiste et se soucie toujours des autres, sans sous-entendu, sans peur et sans préjugés. Ce qui va permettre au Soma de s'ouvrir peu à peu à elle et qu'elle devienne une personne de confiance pour tous. Car les membres maudits, même avec une tendance à être adulés par les serviteurs de la famille, parce que en vérité les Soma c'est genre une grande famille très très ancienne, avec des serviteurs, une famille mineure, une famille majeure, etc. Tous les membres maudits ont souffert de sorte qu'ils ont plus confiance entre guillemets en personne ni même en eux. Donc oui, ce shoujo est une œuvre plutôt dramatique en priorité. Okay. Si tu ne crois pas, Toru, elle perd ses deux parents. Elle vit seule sous une tente. Ça fait pas rêver. Plus, fait la Cendrillon pour des richoux. Hein. Yuki, en tant que signe le plus privilégié, il a une énorme pression auprès de ses parents parce que tu es le rat, tu es le préféré de la famille et tout le monde doit s'attendre à ce que tu sois parfait, etc. Et par rapport à ça, des autres animaux du zodiaque, ils se sentent rejetés parce que, du coup, il a grandi éloigné d'eux. Et même ses propres parents, en fait, il ne sait pas vraiment si ce qu'ils lui ont témoigné, c'était de l'amour. Kiyo, c'est le pire, hein, c'est le chat, c'est un signe maudit. Ouais. Il est détesté par la famille Soma. Et même si peu à peu, tu te rends compte que, en fait, la plupart des animaux, je dis les animaux parce que. Oui, t'inquiète, on a compris. Maudit. S'en fiche un petit peu, il perd sa mère, son père lui reproche tous ses problèmes, du coup, lui, pour pas devenir complètement fou, il reporte tous ses problèmes à cause du rat, et par tradition, le membre maudit par le chat, il est, au bout d'un moment, enfermé dans une cage. Voilà. Super! Et je parle bien d'une prison, hein. Tu te rendras compte que d'autres ont été abandonnés par leurs parents. Car quand tu tiens ton enfant et qu'il se transforme, tu te dis « Ouah, putain qu'est-ce de merde, que c'est que ce bordel ?» et... Donc oui, ça peut choquer. Et du coup, c'est le signe du lapin. Sans trop spoiler, il va dire « ça, elle, c'est ma mère, mais c'est pas qui je suis. » Parce que parmi les membres, t'en as qui ont 2-3 pouvoirs. En plus de leur affinité avec les animaux D'accord. auxquels ils sont liés, t'en as, ils ont la capacité, t'en as un, le dragon, qui est pas vraiment un dragon, mais c'est drôle la révélation, donc j'en dirai pas plus. Celui qui est possédé par le signe du dragon a le pouvoir de faire disparaître la mémoire. D'accord. D'enlever les souvenirs. Et d'autres, bah, comme celui du dragon, bah, ils voient leur amour de leur vie être refusé par pure folie ou par pression psychologique de la famille. D'accord. Parce que en haut de tout ça, non seulement bah, t'as les 13 animaux maudits, et au-dessus, bah, t'as le dieu, qui lui aussi a sa petite réincarnation. Ok. Et qui chapeaute un petit peu tout ça. On est sur une œuvre à la fois surnaturelle, mais aussi très humaine, vu le lieu où on est porté. On est dans un Japon plutôt normal, hein, moderne. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'histoire ancienne, à part le premier récit. Et on est dans la vie de Lucerne tous les jours. Et l'histoire nous capte par son mélange de drame, de mystère, mais aussi des liens que, ben, je me répète, que les personnes vont lier entre elles et grâce à Toru. Et les personnages vont faire face à beaucoup de dilemmes émotionnels. Et ça, je pense que c'est ce qui a tapé aussi dans l'œil du public. Autant, tu vois, j'avais l'habitude de lire plein de mangas différents de shonen, ouais. Hein, tout simplement, mais des personnages qui se dévoilent, et qui dévoilent un petit peu un passé traumatisant pour des enfants, parce que la plupart des membres maudits sont des enfants, tu te dis ah putain c'est malsain, c'est glauque quand même ce qu'ils ont vécu pour certains, et tu vois que peu à peu ils essaient quand même de s'améliorer, et malgré leurs faiblesses on espère avec eux que tout au long de l'histoire ils arriveront à trouver la paix en eux. Et ça, c'est con à dire, mais apprendre à s'aimer, ben, pour certains et certaines, je peux vous assurer que c'est pas facile, et c'est important pour la santé du cigare, comme dirait le roi Arthur. Oui, et puis, enfin, comme tu le présentes, effectivement, t'attends pas ça dans le genre d'œuvre que c'est, parce que bon, généralement, effectivement, comme tu l'as dit, on est plus sur un manga qui est pour les filles, qui est basé sur les petites histoires d'amour, les machins, les trucs dans le genre. Donc effectivement, alors pas que je sous-estime la profondeur de certains mangas, loin de là, c'est plus que là, comme tu as l'air de le dépeindre, on est vraiment sur un truc où on cherche la tristesse, enfin on expose vraiment des situations difficiles. C'est, quoi. C'est vraiment profond. J'avais déjà parlé un peu de dépression avec Evangelion, donc je vais rester en surface. Mais avec Fruit Basket, on peut apprendre qu'on peut souffrir à cause de son entourage, de sa propre famille. Hein. Mais l'important, c'est aussi d'apprendre à faire confiance aux bonnes personnes qui peuvent aussi nous soutenir par la suite. Et surtout, les gens, prenez soin de vous. Voilà. Eh bien, je prends tous ces conseils sur, effectivement, l'importance de la santé mentale et de prendre soin de soi et de faire attention à ceux dont je m'entoure. C'est pourquoi je mets fin à ce podcast, parce qu'en fait, je me traumatise. Non, pas du tout, c'est pas vrai. J'aime beaucoup échanger avec toi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'en savoir plus sur Foot Basket. Mais vraiment, vous arrêtez pas sur la dernière chose que je dis sur la dépression. Vraiment, le manga est aussi très drôle. Il y a vraiment des passages très comiques, notamment durant les transformations. C'est de savoir quel personnage est lié à quel animal. Outre les histoires traumatisantes de chacun, il y a des bons moments, il y a des moments sympas. T'as la vie lycéenne à côté. Parce que Toru et ses amis vont au lycée, et la plupart des autres animaux vont aller au lycée. Toru va se lier à beaucoup d'entre eux. T'as l'histoire aussi, pourquoi la malédiction est là, comment elle peut être levée, et franchement, c'est vraiment ce qui est aussi le plus intéressant. Et tout ça est rythmé par les passages un petit peu dramatiques, certes, mais aussi les passages très touchants et très drôles. Ok. Bah écoute, je sais pas si je le lirai pour être transparent avec toi, mais en tout cas tu le vends bien et ça donne envie parce que il y a le côté, enfin il y a des trucs que j'aime bien dans ce que t'as évoqué, le fait qu'on mêle quand même histoire sérieuse et humour, que t'es un fil rouge sur une intrigue principale avec des personnages qui ont des pouvoirs, mais que ce soit pas non plus cheaté comme dans les mangas habituels. Ce qui compte c'est les relations Non, non, humaines et c'est ça qui donne envie. c'est vraiment des simples pouvoirs entre guillemets. Hein. Il n'y a pas de truc incroyable, contrôle de la météo, contrôle Ouais. des pensées, contrôle de télékinésie, etc. Non, il n'y a rien de tout ça. Et non, franchement, et il n'y a pas, comment dire, c'est ce qui pourrait rebuter la plupart des garçons, surtout des jeunes garçons. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre guillemets. T'en as pas au début. C'est vers la fin que les sentiments se dévoilent. Pour finir, soyez comme Toru, soyez gentil, pas méchant, car c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Mais soyez pas débile comme elle non plus, allez pas habiter seul sous une tente, hein, demandez de l'aide, s'il vous plaît. Voilà. C'est clair, n'ayez jamais honte de demander de l'aide, au contraire, vous serez surpris. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et s'il y a des œuvres que vous voudriez qu'on aborde, dites-le nous toujours, ça pourrait être cool. En espérant que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, nous vous souhaitons de saintes lectures et on vous dit à la prochaine. Salut, salut, bonne soirée, bonne journée à tous. Salut! Eh ben franchement, il était pas mal cet épisode. Mais du coup, la prochaine fois, est-ce que ça te dirait, on invite un pote qui a une super culture et on fait un petit épisode à trois sur un truc avec des humanoïdes qui font beaucoup de mètres de haut et un côté un petit peu bourre allemand avant la Deuxième Guerre mondiale, mais très très chelou. Et je sais pas comment te le vendre plus sans te dire le nom de l'œuvre. ça me tente, j'ai bien envie, oui. On pourrait en parler des heures, je pense que ça serait pas mal. Eh ben vas-y, c'est parti!